Le vent a soufflé avec violence et la pluie est tombée dans toutes les régions de la Corée, surtout dans la province du Hamgyong du Nord, du 29 août au 2 septembre, sous l'effet du typhon numéro 10 apparu le 29 août et de la dépression atmosphérique formée au nord-ouest. Selon l'Observatoire météorologique, les précipitations sont de 320 mm et de 290 mm dans les arrondissements de Gyeongwon et de Bulyeon de la province du Hamgyong du Nord, entre 0h du 29 août et midi du 2 septembre. Les précipitations sont de plus de 150 mm dans d'autres régions, y compris Hwansong, Gyeongsong, Gyeongun, Yunsa et Hwade de la province du Hamgyong du Nord et Taeyongdan de la province du Ryanggang. Le bassin du Tuman a connu la plus grande inondation depuis l'observation météorologique. Le fleuve a débordé et détruit affreusement certaines zones de la ville de Faeryong, des arrondissements de Musan, de Hwansong, de Gyeongun, de Gyeongwon, de Yunsa et de la ville de Rasun. La ville de Faeryong et les arrondissements de Musan et de Yunsa sont les plus sinistrés. 15 personnes sont portées disparues dans la ville de Faeryong. Plus de 8 670 maisons d'habitation pour 17 180 familles sont détruites complètement ou partiellement et plus de 44 000 personnes n'ont ni feu ni lieu dans la province du Hamgyong du Nord. L'enquête sur les dégâts continue. Des efforts sont dépensés pour remédier à la situation.